Une lueur dans la nuit noire semble prévoir une merveille. Un réverbère provoque ce soir l'écho du tonnerre qui se réveille. Es-tu bien là, Luna? Es-tu bien, Luna? Veux-tu bien t'endormir dans mes bras? Veux-tu bien t'endormir avec moi? Tu parais bien là, Luna. Est-ce bien toi? On dirait que tu es là, Luna. Es-tu bien, Luna? Pareille, une princesse descendue me voir jusqu'au premier rayon du soleil. Tu es bien là, Luna, très belle et bien là. Luna, Luna, veux-tu bien t'endormir dans mes bras? Veux-tu bien t'endormir avec moi? Tu parais bien comme ça, Luna. Tu t'endors déjà. On dirait bien comme ça, Luna. On s'endort à trois. Déjà, Luna, on s'endort à trois.